pour ce dernier vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nos chroniqueuses et chroniqueurs hors pair ont sélectionné pour vous les informations scientifiques qui leur paraissent les plus saillantes de l'année écoulée. Nous allons donc reparler de xénogreffe d'un cœur de cochon sur un patient humain, du lancement réussi du James Webb Space Telescope qui va livrer ses premières images d'ici 15 jours et d'études qui lèvent le mystère sur les vagues scélérates ou la naissance des éclairs. Et pour compléter ce programme déjà riche, nos trois sujets du jour, le débat sur l'existence ou non d'océans sur Mars, les limites des structures cosmologiques et les immenses ptérosaures. Actu de l'année, océan martien, cosmos et ptérosaures, c'est le programme de fin de saison qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et ils ont tenu la barre contre vents et marées, une saison de plus de la vulgarisation la plus scrupuleuse et la plus accessible à la fois. Le tout en plus avec le sourire autour de la table. Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir, bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Rédactrice en chef d'Epsilon et bonjour Philippe Hénaré-Ross. Bonjour. Rédacteur en chef de Ciel et Espace. Elle aussi a tenu bon contre vents et marées également pour vous livrer tous les vendredis la crème de l'actualité scientifique. C'est évidemment Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science, une infection par le variant Omicron apporte un renforcement immunitaire faible. Oui, à la fin de l'année 2021, nous sommes entrés dans l'ère Omicron. Un peu comme sur le modèle de la grippe saisonnière, on voit un échappement immunitaire partiel avec ici, tous les deux mois, une nouvelle souche qui circule. Omicron BA1 et aujourd'hui BA4 et BA5. Alors dans cette étude, une équipe britannique a mesuré les capacités immunitaires au niveau cellulaire face à différents variants et en fonction des différents historiques d'infection et de vaccination. Ce travail montre que les personnes infectées par le variant Omicron présentent un faible renforcement immunitaire contre une réinfection au virus Omicron lui-même. En d'autres mots, une infection avec Omicron n'équivaut pas forcément à une dose vaccinale. On s'en doutait déjà avec le variant Delta par rapport au variant Alpha, et cette étude le confirme, Omicron n'est pas une bonne nouvelle pour l'immunité collective. Mircea Sofeneia est maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Ce qu'on remarque donc, c'est que les personnes qui ont été infectées par Omicron ne présentent pas une réponse immunitaire cellulaire qui soit comparable à celle vis-à-vis des variants précédents. Et même s'il y a réponse immunitaire pour les variants, mettons Wuhan, la souche historique, eh bien pour Omicron elle-même, la protection est moindre. Et pour les personnes qui ont été infectées par Wuhan, la souche historique, eh bien la réponse immunitaire cellulaire qui nous en évidence est moindre vis-à-vis des variants suivants. Donc ça signifie en effet que l'infection par Omicron échoue à induire une immunité cellulaire de qualité. Voilà, c'est ça. En tout cas, qui n'est pas suffisante, si vous voulez, pour bâtir une stratégie de santé publique sur l'infection collective pour se protéger contre des futurs variants. Mais si vous vous souvenez bien de cet état d'esprit qui était en particulier porté par l'exécutif au mois de janvier, on disait, regardez, ce variant est moins virulent, c'est peut-être notre porte de sortie de la pandémie, si vous voulez. À un moment donné, on se disait, c'est la dernière vague, c'est le train qu'il faut prendre pour en finir plus vite. Mais on le savait déjà, à ce moment-là, qu'il y avait un lien entre la symptomatologie et la mémoire immunitaire. En effet, on avait remarqué que des personnes qui avaient eu des symptômes plus importants, eh bien, développer une immunité qui était plus robuste. Omicron étant moins virulent, intrinsèquement, faisant moins de formes graves, voire symptomatiques, eh bien, du coup, on ne pouvait que s'attendre à ce que l'immunité qu'il génère soit elle-même plus faible. Bon, là, il se trouve que c'est bien démontré qu'au final, on se retrouve avec une infection qui est moins virulente globalement, mais qu'en plus, elle immunise très peu, et ce, à la fois côté humoral, à savoir les anticorps, que côté cellulaire. Et que donc, dans cette nouvelle ère d'Omicron, les vagues sont amenées à se succéder, ne serait-ce que par le déclin immunitaire et par la faiblesse de l'immunité conférée, mais en plus parce que dans ce groupe Omicron, eh bien, on voit émerger des lignages, ce qu'on pourrait appeler des sous-variants qui présentent en plus un échappement immunitaire. Et donc, on a ici des vagues qui se succèdent tous les deux mois. Voilà, et vous pouvez retrouver l'étude de Science ainsi que l'émission que nous avions consacrée précisément à l'émergence de ce variant Omicron sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur le site franceculture.fr. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude fraîchement sortie des laboratoires français. Selon une étude parue dans la revue Journal of Applied Ecology, les méthodes mises en place pour protéger les oiseaux marins sont efficaces. Oui, dans l'océan austral, la pêche s'intensifie depuis les années 1986. Et cette pêcherie entraîne la capture accidentelle d'oiseaux marins, les albatros, mais aussi les pétrels à menton blanc, un des oiseaux les plus capturés. Et on a vu ces populations d'oiseaux de mer décliner. Dans les années 2000, on a donc mis en place des mesures de mitigation des captures accidentelles. Comme par exemple, ne faire des manœuvres de pêche que la nuit pour éviter que les albatros ne viennent se prendre dans les hameçons. Pour les pétrels à menton blanc, on a lesté les hameçons pour qu'ils coulent plus vite, pour que les oiseaux n'aient pas le temps de les chercher en plongeant dans l'eau. Ou encore, on a mis des banderoles d'effarouchement autour des lignes d'hameçons pour que les oiseaux ne puissent pas venir dessus. Grâce à des données de terrain sur 30 ans, cette équipe française a ainsi évalué l'efficacité de ces mesures. Anaïs Dasnon est doctorante en écologie, encadrée au CNRS, au Centre d'études biologiques de Chizé. Elle est la co-signataire de cette étude. On a d'abord des données de capture, marquage, recapture. C'est le fait de, tous les ans, aller capturer des oiseaux, leur poser des bagues, de revenir ensuite et de voir si on revoit ces oiseaux sur lesquels on a des bagues qui permettent de les identifier. Et donc, si un oiseau est recapturé et identifié une deuxième, troisième, quatrième fois, on sait qu'il a survécu entre la fois d'avant et cette fois-là. Et donc, en faisant ça avec plein d'individus et sur un temps suffisamment long, on arrive à estimer une probabilité de survie. On montre effectivement une efficacité de ces mesures sur les populations de pétrels à menton blanc, de crozets en tout cas, puisque on voit une réaugmentation de la population depuis le début des années 2000, qui correspond à la mise en place des mesures de mitigation. Et on voit aussi que les densités de couples reproducteurs sont revenues actuellement à des densités qu'elles étaient avant la constatation de la diminution de la population, donc dans les années 80. En fait, c'est une étude qui est assez holistique dans le sens où on a pris plusieurs paramètres de cette population, notamment la survie, le succès reproducteur et les densités de couples reproducteurs. Et tous ces paramètres démographiques vont dans le même sens d'une réaugmentation de la population. Et ce, depuis la mise en place des mesures de mitigation. Donc ça va plutôt dans le sens d'une efficacité de ces mesures. Alors qu'avant ça, on voyait une diminution de ces paramètres ou alors des taux de ces paramètres qui n'étaient pas suffisants pour que la population puisse se maintenir dans le temps. Donc la population allait vers le déclin, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La bonne nouvelle de cette étude, c'est que si on veut protéger la faune aviaire marine, ça marche. Il existe des mesures efficaces. Oui, c'est ça. Effectivement, alors là, ça marche très bien pour les oiseaux, a priori, puisque les populations d'albatros aussi ont l'air de mieux en mieux se porter. Il faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas que les oiseaux marins qui sont impactés par les captures accidentelles. Il y a aussi les requins, les raies, les tortues et même des mammifères marins, certains dauphins, des phoques. Et que pour ces espèces-là, il y a moins de suivi et il y a du coup aussi moins de mesures de protection qui sont mises en place. Et donc c'est pareil, ce sera bien à considérer dans le futur, autant de faire des suivis de ces populations-là que de mettre en place des mesures de protection. Et également dans l'actualité scientifique, cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, en Angleterre, des traces de virus de la poliomyélite ont été détectées dans les stations d'épuration du nord-est de Londres. Selon l'Agence britannique de sécurité sanitaire, entre février et juin, les eaux usées contenaient des traces d'une forme de polio dérivée d'une souche vaccinale. L'analyse génétique indique plusieurs chaînes de transmission, mais aucun cas humain n'a depuis été signalé et il n'y a pas de risque immédiat pour la santé publique. Cette semaine, on découvre que les premières haches à main anglaises, des outils en silex pour gratter les eaux, parmi les plus anciens artefacts d'Europe, on découvre que ces haches sont en réalité bien plus vieilles que nous ne le pensions. De nouvelles datations par radiofluorescence infrarouge révèlent qu'elles ont été fabriquées il y a environ 620 000 ans et qu'elles ont été conçues non pas par Homo sapiens, mais par Homo heidelbergensis. Et enfin cette semaine, une expérience à grande échelle au Niger prouve que l'urine humaine peut être un engrais efficace, écologique et sûr. Pour éviter la fabrication d'engrais industriels, au bilan carbone important, plusieurs fermes ont utilisé de l'engrais urinaire après l'avoir désinfecté. Notre urine contient déjà du phosphore, du potassium et de l'azote, et les fermes qui ont utilisé cet engrais ont vu leur rendement augmenter de 30%. D'autres expérimentations sont prévues en Suède, aux États-Unis et en Australie. Voilà, après l'avoir désinfecté, c'est important, hein, ne vous ruez pas tout de suite sur vos géraniums. Et pour finir ce dernier journal des sciences de la semaine, donc de la saison, puisque, je vous le rappelle, la semaine prochaine, ce sera, comme d'habitude, pour conclure l'année de la SF plein la valise. Et donc, notre dernière rubrique de science improbable, Natacha, a été publiée cette fois-ci dans Molecular Biology and Evolution, et elle nous éclaire sur la vie secrète des acariens, et en l'occurrence, des Demodex folliculorum. Et au moment où je vous parle, Nicolas, plusieurs millions d'acariens vivent sur votre visage. Dans vos pores, ils se nourrissent de votre sébum. Une équipe internationale a séquencé le génome de cette espèce. Selon leurs résultats, ces acariens non seulement s'accouplent sur nos visages, mais ils fusionnent progressivement dans notre épiderme. Et ce n'est pas tout. On pensait que ces créatures n'avaient pas d'anus, qu'elles accumulaient les déchets avant d'exploser. Et cette étude prouve que les acariens ont de minuscules anus et qu'ils font leur déjection en permanence sur notre peau. Selon les auteurs, cette relation symbiotique permettrait peut-être à la peau d'être en bonne santé. Voilà, et pendant qu'il y en a qui bossent, les acariens, eux, ils s'éclatent. Merci beaucoup, Natacha, et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire de cette année et qu'on ne dira pas, c'est qu'on se sera ennuyé en traitant de l'actualité scientifique de cette saison. Cette année donc, ou plutôt cette saison, fut riche, diverse, belle et pleine. Et elle nous réserve d'ailleurs encore quelques belles annonces, comme dans très peu de temps, le 12 juillet, dans un peu plus de 15 jours, la révélation des premiers clichés du cosmos pris par le James Webb Space Télescope. Et c'est pour vous, Philippe, sans conteste, l'actualité la plus saillante de cette saison qui s'achève. Oui, j'aurais pu choisir des découvertes, il y en a eu, elles sont intéressantes, mais en fait, ce lancement qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 25 décembre, d'ailleurs je m'en rappelle très bien parce que je l'ai commenté pendant le repas de Noël, donc c'était un moment... Entre la dinde et la bûche. Voilà, exactement. Une fusée. Et donc c'est un lancement, ce n'est pas un résultat scientifique, mais ce sont des résultats par pelleté attendus dans les mois, les années, peut-être les décennies à venir. Puisque le James Webb Space Telescope, qu'on annonce comme le successeur d'Hubble, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il va pas regarder exactement dans la même longueur d'onde. Il va être plus dans l'infrarouge, c'est-à-dire voir ce que Hubble ne pouvait pas voir. Ce télescope a un miroir de 6,50 m. C'est un très gros instrument. Même sur Terre, un télescope de 6,50 m, c'est déjà pas mal. Ce sera dans l'espace. Alors, c'était un lancement à haut risque qui a été brillamment réussi par la fusée européenne Ariane 5, faut quand même le souligner. Ariane 5 qui vient de faire l'un de ses derniers décollages, là, un peu en catimini, ouais, par quasiment exemple. Quasiment l'avant-dernier, je crois, ou presque. Et donc, ce télescope n'est pas en orbite autour de la Terre, il est à un point de Lagrange, c'est-à-dire un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre, la Lune et le Soleil, c'est à plus d'un million de kilomètres de la Terre. Et il a été... comment dire, réveillé progressivement, il était tout replié, son miroir était replié, c'était un miroir segmenté, progressivement. On a vu déjà des petites images de calibration. De calibrage, ouais. Ouais, il fallait aligner tous ces miroirs vraiment à la perfection. Tout semble bien marcher. Récemment, il y a eu une petite frayeur parce que ce télescope, c'est un miroir ouvert. C'est un peu comme ceux qui font de l'astronomie amateur connaissent évidemment les Dobson, qui sont ces télescopes de Newton où il n'y a pas de tube, on voit le miroir. Et bien, c'est un peu la même chose dans l'espace. Et donc, il est ouvert aux quatre... Alors ça, c'est pas des vents, mais c'est aux quatre vents solaires. Oui, c'est ça. Il y a des particules quand même qui se promènent dans l'espace. Il y a des micrométéorites et un de ces miroirs a été récemment touché par un impact de micrométéorite. Alors, rassurons-nous, le miroir n'est pas brisé. C'était quelque chose qui était prévu. Mais en fait, ça arrive tôt dans la mission. Moi, ça m'inquiète un peu. Hubble aussi, il faut savoir qu'il a été touché de cette manière-là. Et donc, on va attendre de ce télescope, qui va avoir donc une capacité de collecter de la lumière bien supérieure à celle de Hubble, de voir des choses qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire plus loin, ou plus faibles. C'est-à-dire, c'est pas forcément des choses très loin, mais ça peut être des choses, des objets célestes, des disques protoplanétaires, des nébuleuses qui se trouvent pas forcément très loin de nous, mais qu'on ne pouvait pas voir avec ce degré de précision, ou alors des choses très très loin. Voilà, c'est ça. Qui sont aussi faibles parce qu'elles sont loin, c'est-à-dire des galaxies primordiales, des groupes de galaxies, des supernovas très lointaines. Oui, oui, et puis surtout, ce que vous disiez, Philippe, c'est qu'effectivement, le James Webb va regarder dans l'infrarouge, donc plus on regarde dans le rouge, compte tenu de l'expansion de l'univers, plus on peut remonter loin, et c'est intéressant parce que je suis en train de finir, en tout cas de poursuivre le montage du documentaire que vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'été dans la matinale à propos des grands télescopes de l'ESO, l'un des responsables scientifiques d'un autre grand télescope qui est pour le moment encore en chantier, le ELT, l'Extremely Large Telescope, qui va avoir donc qui va être un télescope de avec un miroir primaire de 40 mètres, ce qui est gigantesque. Aujourd'hui, c'est 8 mètres 2, le VLT, les plus grands. Donc, il va y avoir un saut d'échelle. Et il me disait que finalement, avec l'ELT et le James Webb, puisque les deux vont être complémentaires, il est possible qu'on arrive à faire vraiment un saut quantitatif énorme dans l'astrophysique et avoir accès à des choses vraiment et même à des choses inconnues pour le moment qui peuvent vraiment modifier ou en tout cas compléter notre compréhension de l'univers quoi. Exactement, on aurait accès à des choses inconnues mais on aura aussi accès autrement à des choses déjà connues. C'est-à-dire les astronomes souvent mettent en avant l'intérêt qu'il y a à observer dans plusieurs longueurs d'onde. Ça peut nous paraître un peu obscur cette histoire-là, mais en fait chaque longueur d'onde donne une information sur la matière, sur la composition, sur la température. Et donc plus vous avez de longueur d'onde pour observer un objet et plus vous avez de précision, parce que des télescopes infrarouges dans l'espace, il y en a déjà eu, on pense à Spitzer par exemple, mais c'était un télescope de 50 cm ou de 80 cm de diamètre, donc beaucoup plus petit. Là on est à 6 mètres. Là on est à 6 mètres 50, donc en termes de résolution, on va pouvoir voir toutes ces choses, mais avec une précision bien supérieure et effectivement les corréler avec ce qu'on va voir depuis le sol, ce qu'on voit déjà avec les télescopes géants, et aussi avec le LET, quand il entrera en service, c'est quoi? C'est 2025, 2026. Ça a pris du retard à cause du Covid, mais ils espèrent 2026, donc avec les retards classiques 2027. De ce genre de chantier que j'ai visité. Ouais. C'est un chantier incroyable. Incroyable. On coupe la montagne, on creuse la montagne. J'ai hâte que vous écoutiez ce documentaire, parce que c'est effectivement toujours assez. Moi, j'en suis revenu évidemment très très séduit. Mathilde, un mot sur le James Webb ou sur ce futur de l'astrophysique qui est à portée de main, là? Ce futur, oui, il est à portée de main. J'ai eu pas mal d'astrophysiciens au téléphone ces derniers temps, puisque j'ai préparé un dossier, du coup, pour Epsilon, qui sortira la semaine prochaine, sur le système TRAPPIST d'exoplanètes, qui va être ciblé par JWST. Ce sera l'une des cibles principales. Je crois qu'il concentre 10% de l'observation des exoplanètes, puisque c'est un système duquel on pense qu'on pourra voir, s'il y en a une, l'atmosphère sur des planètes de type Terre. Ce sera la première fois. Enfin, de type Terre, en tout cas, des mensurations de la Terre. Ce qui est amusant, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils font les astrophysiciens? Ils font des paris, en fait, sur la première image qui va être publiée par la NASA le 12 juillet prochain, puisque cette première image, on le sait, ce sera pas une image truffée de science, porteuse d'une immense découverte. Ce sera une image pour la publicité, ce sera une image qui devra faire le tour du monde. Et elle est tenue secrète, même ceux qui le savent n'ont pas le droit de le dire à leurs équipes. Donc tout le monde essaye de tâter le terrain auprès du copain qui doit savoir, mais on ne sait pas. Les piliers de la création, d'après ce que j'ai entendu, sont en pole position pour l'hommage au télescope Hubble, justement. Donc on verra. Olivier, un mot sur le James Webb? Enfin, sur l'importance de cette actualité, parce que faut dire que l'actualité astrophysique a été aussi très riche. Hein. On peut évoquer le relevé Gaïa dont on a parlé ici, qui est aussi une nouvelle somme colossale d'informations et d'images de l'univers. Il y a eu cette autre image, qui a rien à voir, mais c'est l'image du trou noir. Hein, bien sûr. L'image du trou noir central de notre galaxie, qui a été un grand moment de cette année, qui ressemblait de façon évidemment avec M87. Mais enfin quand même, c'était une preuve aussi par l'image de l'existence de ce monstre cosmique dont on savait qu'il était là, mais enfin il manquait quand même quelques éléments pour pouvoir l'écrire noir sur blanc, et maintenant c'est fait avec cette image. Le lancement du James Webb, effectivement, c'était un événement qui était attendu depuis des années maintenant, hein, et qui montre aussi, comme l'a dit Philippe, l'excellence des ingénieurs français et européens, hein, avec ce lancement qui a été parfaitement réussi, hein. Il faut voir la valeur de cet objet, les années de travail, hein, qui précèdent un événement comme celui-là. Donc c'était extrêmement attendu et bon, bah, je suis comme vous, j'attends fébrilement l'image, la première image. Les Européens ont d'ailleurs fait des instruments aussi qui sont au foyer du télescope, faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. On le présente comme un télescope NASA, mais c'est comme pour Hubble, un télescope NASA-ESA, c'est-à-dire États-Unis-Europe, avec évidemment une participation majoritaire des États-Unis en termes de finances. Heureusement, parce qu'il a coûté très cher. 10 milliards, hein, au total. Oui, c'est ça, ouais. Ça a littéralement... Oui, mais quel est le prix du savoir et de la connaissance auquel le James Webb va nous donner accès? C'est vrai que ça présage en tout cas de mois et d'années passionnantes pour l'astrophysique. Et Olivier, autre chose effectivement, alors dans un autre domaine, mais qui présage aussi d'avancées très spectaculaires dans le domaine médical cette fois. Vous avez voulu, ou en tout cas vous avez retenu la première xénogreffe, la transplantation d'un cœur de cochon génétiquement modifié dans le corps d'un patient humain qui aura survécu 2 mois à l'opération. On peut se dire que c'est peu, mais en tout cas, en termes de preuve de concept, c'est un pas aussi très important. C'est une actualité effectivement qui m'a frappé, moi, cette année, cette xénogreffe de cœur de cochon, hein, sur ce patient, cet Américain de 57 ans, hein, qui était arrivé pronostic vital, oui, était à très court terme. Oui. Et donc cette opération, ça a été l'opération de la dernière chance. Et il n'a vécu que 2 mois avec ce cœur de cochon, mais ça ouvre des perspectives assez formidable, ou en tout cas vertigineuse. Formidable parce que d'un point de vue de la santé, les greffons manquent. Ils manquent particulièrement, singulièrement depuis quelques temps. C'est un effet collatéral de la crise du Covid aussi, hein. Il y a moins de dons d'organes. Donc d'avoir de nouvelles sources comme celle-là, ça peut être une perspective très intéressante pour tous les gens qui sont en attente. C'est aussi une avancée d'un point de vue technique qui est marqué par CRISPR-Cas9. C'est-à-dire que si on a pu greffer l'organe du cochon sur cet individu, sur cet être humain, c'est parce que c'est un cochon génétiquement modifié. C'est un cochon qui avait subi des travaux de bio-ingénierie pour que son cœur soit privé des gènes qui normalement l'auraient vu grossir démesurément pour la cage thoracique d'un patient humain. C'est un cœur qui ne produisait pas non plus les sucres qui sont incompatibles avec le système immunitaire de l'être humain. Donc il fallait pouvoir développer ce cœur de cochon adapté à l'homme. Et pour le faire, il a fallu pouvoir bénéficier de ce fameux ciseau moléculaire, le CRISPR-Cas9, dont on parle depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années. Oui, depuis quelques années, bien. À haute dose, et c'est encore une fois la preuve de ce que c'est quelque chose qui change complètement les données et les règles du jeu. Et puis, d'un point de vue éthique, ouais, ça pose aussi des questions extrêmement vertigineuses, parce que si on est habitué depuis maintenant aussi quelques temps à parler de transhumanisme, avec l'homme augmenté, l'être humain augmenté par la technologie. Là, on touche du doigt la question du transanimalisme, finalement, hein. Est-ce qu'on va voir l'émergence d'animaux qui vont être considérés comme des bases d'organes sur pattes, dans lesquelles on viendra puiser à la demande les pièces de rechange dont on aura besoin? Aujourd'hui, on parle déjà d'avoir des animaux chimères qui développeront des organes humains à l'intérieur, dans leur propre corps, pour que ces organes soient absolument compatibles avec celui d'un malade de notre espèce. Oui, et puis ça pose aussi des questions d'éthique plus larges autour des causes finalement de la mort du patient, puisque on a retrouvé tout de même dans son sang des traces d'un cytomégalovirus qui est un virus porcin et qui a muté pour s'adapter à l'être humain. Et là aussi, on est un peu en train de se demander s'il n'y a pas une boîte de Pandore qu'on est en train d'entrouvrir et avec la possibilité qui sait de créer effectivement, de pousser des virus à muter pour s'adapter à l'homme, et donc avec la dangerosité qu'on peut imaginer derrière. Et oui, on est très familiarisé à ça, hein, avec le Covid évidemment, mais est-ce que les xénogreffes pourraient être la source de nouvelles pandémies, hein, de nouvelles zoonoses? puisque ce virus porcin, effectivement, il n'avait pas alerté dans les premières temps, dans les premières semaines qui ont suivi cette greffe, qui encore une fois s'est bien passée. Il n'y a pas eu de rejet. C'est la grande peur qu'on a quand on fait des transplantations, c'est la question du rejet. Et là, l'organisme du receveur n'a pas réagi de cette façon-là, apparemment. La mort de ce David Bennett, puisque c'est le nom de cette personne, cet Américain, pourrait être due effectivement à ce virus porcin. Alors là, ce qui étonne, c'est que le virus n'ait pas été détecté en amont de la greffe. Alors là, il y a des débuts d'explications qui commencent à être donnés. Apparemment, les scientifiques n'auraient pas regardé au bon endroit. Le virus se serait logé, je crois que c'est dans la rate, de l'animal. Mmh. Et à partir de là, il aurait essaimé une fois la greffe réalisée. Mais effectivement, un malade comme celui-là, atteint d'une nouvelle maladie, pourrait contaminer le personnel médical, qui eux-mêmes pourraient diffuser à l'entièreté de la société cette nouvelle pathologie. C'est effectivement une question pointue d'ampleur et qui interroge. Mathilde, sur cette xénogreffe. Je vais rebondir sur CRISPR-Cas9 parce qu'on a vraiment là il y a une tomate dernièrement aussi qui a été modifiée par CRISPR-Cas9 pour pouvoir être chargée en vitamine D, je crois, et donc potentiellement être spécialement faite pour remédier à des carences qui sont des carences mondiales et importantes. Ça avait déjà été le cas du riz doré avant pour la vitamine A. Ces ciseaux moléculaires-là et la manière dont ils nous permettent de modifier des génomes de manière tellement fine qu'en fait on peut même se poser la question d'à quel point c'est de la manipulation génétique puisque c'est tellement précis, c'en est, mais c'est pas des OGM comme on en faisait auparavant. Et on voit vraiment que toutes les limites sont en train de tomber. La Grande-Bretagne est en train de réfléchir et même en train de décider d'autoriser la cultivation et la vente de ces OGM, ces nouveaux OGM comme on les appelle. Donc on a vraiment un développement technique qui a ouvert la porte derrière à toutes les possibilités dont on parlait en fantasme. Dans les années 90, c'est toutes les possibilités de pouvoir se greffer des morceaux d'animaux, cultiver des plantes avec des super pouvoirs. Tout est possible avec une techno. C'est quand même assez rare, d'avoir un tel changement brutal en technique. Et vous, Mathilde, alors c'est un peu moins attendu, un petit pas de côté, mais vous nous parlez de deux découvertes qui a priori peuvent passer ou relativement inaperçus, mais c'est plus que des découvertes, c'est des élucidations de mystères, celle des vagues scélérates et celle de la formation des éclairs. Pourquoi? C'est la même mécanique. C'est deux sujets qui me suivent depuis que je suis journaliste. C'est deux grands mystères de la nature que moi personnellement je me suis toujours demandé, mais comment c'est possible qu'on comprenne pas la naissance des éclairs? On a ça sous les yeux, on peut faire un tas de mesures, c'est pas comme les confins de l'univers. Comment c'est possible qu'on ne comprenne pas l'émergence de ces vagues scélérates? Donc vous savez, ces vagues légendaires qui font deux fois la taille des vagues de la houle normale et qui surgissent de manière totalement subite dans l'océan. Et ces deux phénomènes physiques finalement appellent un peu le même genre de mécanique, le même genre d'étude, une espèce de complexité à effectuer des mesures dans les nuages. On voit bien pourquoi, parce qu'il est difficile d'envoyer des avions et de faire des mesures précises dans les nuages. Pour les vagues scélérates, ce sont des vagues qui surgissent de manière totalement inopinée, donc elles ont pour la plupart été détectées par des plateformes pétrolières au large de la mer du Nord sans qu'il y ait absolument aucun instrument pointu pour les voir, etc. Et ces deux phénomènes, je ne sais pas pourquoi, cette année, que moi je suis, dont je suis en développement depuis 10 ans, cette année, ont trouvé leur résolution. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a vraiment la science qui boucle ses dossiers, quoi. D'un coup, ça peut arriver. Donc pour l'un, les éclairs, c'est une équipe qui s'est dit, tiens, les télescopes radio, de jour, ils font rien. On va les pointer sur les nuages et puis on va voir si on peut pas voir, en tout cas essayer de comprendre les mécanismes qui donnent naissance à la foudre. Et en voyant ça, ils ont vu la formation d'un espèce d'anti-éclair, en fait, qui répartit les charges et qui apporte une énergie supplémentaire et qui permet ce déclenchement. Jusque-là, il manquait un ordre de grandeur, en fait, pour le déclenchement de la foudre. Et ces chercheurs ont réussi, grâce à ces observations, donc avec le LOFAR, qui est un télescope radio le plus gros, je crois. Ils ont réussi à voir comme ça cette espèce d'anti-éclair se former dans les nuages et du coup à comprendre comment est-ce que la foudre se déclenche. Et ça a correspondu au même moment, ça a été validé quelque part en même temps par des modèles qui s'étaient constitués depuis des années et qui ont arrivé à ce même genre de phénomène. Les deux communautés observation-modèle se parlent évidemment et se sont rejointes pour dire Ça y est. On l'a. On l'a. Et les Vaxelerates, c'est le même processus. C'est une équipe canadienne qui a pu enregistrer coup de bol. Alors c'est cette année que la fameuse vague a été publiée, mais c'est une vague qui est passée le 17 novembre 2020. Il a fallu traiter les données, etc. Puisqu'en fait, c'est des vagues on enregistre la houle, quoi, pendant oui. très longtemps. Et donc on a découvert une vague de 17,6 mètres, je crois, au large de Vancouver. Par l'étude de cette vague, ça a pu confirmer, parce que les mesures étaient très bonnes, le modèle sur lequel travaillent les théoriciens, mais aussi en bassin, hein, parce qu'on fait des bassins pour comprendre l'émergence de ces phénomènes-là, le modèle qui explique la formation de ces vagues scélérates par la superposition de deux ondes comme ça, de deux houles en fait, qui se superposent et qui interfèrent pour finalement donner une espèce qui s'amplifie. Qui s'amplifie, où je fais les gestes mais on ne me voit pas, pour donner une sorte de surgissement de vagues tout à coup et des vagues qui sont monstrueuses et qui ont fait les légendes de marins les plus effrayantes. Et donc voilà, donc on a deux mystères de la nature. Alors je dis pas que c'est fini, les vagues scélérates, on entre dans une nouvelle ère de mesures de précision, on va pouvoir commencer à faire des modèles et à essayer de faire des prédictions, parce qu'en fait c'est loin d'être anecdotique et ça touche beaucoup de navires. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait finalement c'est un effet statistique classique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de circulation maritime aujourd'hui que statistiquement beaucoup de cargos ou d'embarcations rencontrent ce type d'événement et ça peut expliquer d'ailleurs la disparition de certains d'entre eux. Oui, voilà, c'est ça. Et pour produire cette statistique, il fallait non seulement avoir des données d'observation, mais aussi des modèles. Il fallait aussi savoir comprendre comment est-ce que ça émerge. Et donc là, l'équipe canadienne en question vient de commencer ce travail colossal. Ils viennent de sortir là une étude. Enfin, ils ont sorti une étude de 1,5 milliard de vagues, parmi lesquelles quelques vagues scélérates. Et ils commencent comme ça à produire des statistiques. Donc à l'endroit de Vancouver où la vague qu'ils ont analysé a surgi, ils stipulent qu'il y en a une tous les 1300 ans, mais ce qui fait que, en gros, à la louche, pour l'instant, là où on en est, c'est que n'importe quel navire a la chance dans sa vie de navire d'en croiser une. Mmh. Et puis pour ce qui est des éclairs, ben voilà, c'est non seulement la prédiction, améliorer les prédictions, mais surtout aussi, par exemple, améliorer la sensibilité des modèles de réchauffement climatique à ces phénomènes extrêmes, essayer de comprendre tout ça. Donc voilà, derrière ça va améliorer les prédictions. Mais je crois que ce qui m'a plu, c'est vraiment cette idée qu'on n'est pas toujours dans une science qui va aller, qui va repousser le mystère. C'est que là on y est. Oui. Et là, on le perd, ce mystère. On aurait pu parler de plein d'autres choses. On aurait pu citer le rapport du GIEC, qui est un rapport important, qui a été dévoilé en trois parties, dont on vous a parlé dans cette émission. Je citais le relevé Gaïa, l'inquiétude sur autre chose et sur une autre pandémie, une autre zoonose qui est la variole du singe. Et puis, vous pouvez nous dire, vous aussi, via notre fil Twitter, @laméthodefc, quelle est l'actualité scientifique qui vous a le plus marqué cette année. Envoyez-nous des petits mots, ça nous fait toujours plaisir, des petits mots. Bon, super. Hop. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Freeze du dernier excellent album de mon groupe favori Rooksop, Profound Mysteries. On va passer à nos trois dossiers du jour et on va commencer par une controverse passionnante qui ressurgit, Philippe, celle de l'existence ou non d'un océan dans l'hémisphère nord de Mars. Le débat fait rage et entre les tenants d'une part de son existence et ceux qui de l'autre côté affirment que c'est strictement impossible. Oui, alors le débat est ressurgi, mais je crois qu'il a jamais vraiment cessé en réalité. Simplement, il ressurgit parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une publication qui avait été faite par des Français, dont ceux qui font le débat dans nos pages, là, dans Ciel et Espace, qui voyaient sur Mars les indices d'un méga tsunami. Et avec une ligne de rivage... en bordure de l'hémisphère boréal, puisque on sait qu'il est plus bas en altitude que l'hémisphère sud martien, et donc depuis toujours on pense qu'il y a pu y avoir un océan, puisque on sait en gros qu'il y a eu de l'eau sur Mars, on sait qu'il faisait plus chaud il y a très très longtemps, on sait qu'il y avait une atmosphère plus dense, et donc on voit aussi des traces avec des réseaux de fleuves, etc. Donc tout ça converge vers cette plaine boréale qu'on suppose fort logiquement pouvoir avoir accueilli un océan. Et là, avec ces traces de méga tsunami, ça semble l'accréditer. Sauf que quand les géologues regardent les datations des terrains, la date, en gros, c'est 3 milliards d'années. Et 3 milliards d'années, ça semble lointain pour nous. Mais pour Mars, les spécialistes du climat, ceux du laboratoire de météo dynamique qui étudie le climat de Mars, qui font dont le camarade de François Forget qu'on salue. Exactement. D'ailleurs, il fait partie du débat. Mmh. Eux, ils nous disent, il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère de Mars était déjà trop raréfiée pour que la pression atmosphérique soit suffisante. Mmh. Pour que de l'eau puisse rester en grande quantité comme ça, qu'il y a un océan. Donc, il y a débat. Et je peux vous dire que quand on les fait se confronter, ils ont des arguments qui sont séduisants autant d'un côté que de l'autre. Mais oui, c'est bien ça. Alors il faut dire quelque chose de très important, parce que je crois que l'autre chose, peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise grâce à cette discussion, c'est qu'il y a véritablement un expert en minéralogie martienne, oui, à l'Institut d'astrophysique spatiale qui s'appelle John Carter. John Carter. Vous nous assurez que c'est pas un poisson d'avril arrivé en retard, etc. Il y a vraiment un John Carter au mois de juin, vous l'imaginez pas, qui travaille sur Mars. C'est incroyable. Absolument. Bon. Et alors, expliquez-nous un peu quels sont les arguments de part et d'autre, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'après avoir lu, vous ferez votre propre idée, mais moi, je dois. Non, les arguments, en gros, des géologues qui font de la géomorphologie, c'est-à-dire qui regardent des images. Ils sont pas sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas envoyé d'astronautes sur Mars comme c'était le cas sur la Lune. Ça aiderait beaucoup, d'ailleurs, mais ils sont obligés de travailler à partir d'images orbitales prises par différentes sondes, et ils voient les altitudes et ils interprètent tout ça. Et c'est pour ça que quand on voit ces traces de méga tsunami, c'est extrêmement convaincant, parce que ça ressemble à ce qu'on connaît sur Terre déjà. Par exemple, vous avez des espèces de lobes qui remontent des pentes. Donc l'eau, traditionnellement, elle coule du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Donc là, quand ça arrive comme ça, c'est une preuve assez importante pour un tsunami. Qu'est-ce qui aurait pu le créer? Parce que ça aussi, s'il y a un phénomène de telle ampleur, il faut trouver une origine. Eh bien, a priori, ça pouvait être un impact météoritique majeur dans l'océan. Oui, parce qu'il n'y a pas de tectonique sur Mars. Donc, il ne peut pas y avoir de tremblement de terre. Donc, s'il n'y a pas de tremblement de terre. Ça s'est bloqué. Terre. Si jamais ça a voulu s'amorcer il y a très longtemps, ça s'est bloqué très rapidement. Mmh. Et Mars ne fonctionne pas globalement comme la Terre. C'est une monoplaque. Hein, c'est une coquille d'œuf, en fait. Ça bouge pas. Il n'y a pas de plaques qui se glissent les unes sur les autres. Donc, il n'y a pas la même sismicité de toute façon que sur Terre. Et donc, ils ont cherché, ils ont regardé avec toujours leurs preuves à distance, et ils ont convergé vers un cratère qu'ils voient, qui fait 130 km de diamètre, qui s'appelle Lomonosov, et qui semble bien être à l'origine de ce méga tsunami. Alors, qui a le même âge par ailleurs, ça coïncide. Bien sûr, il fallait que tout ça coïncide en termes d'âge. Alors les âges, encore une fois, sur Mars, on n'a pas encore d'échantillons, qu'on est allé ramasser à un endroit précis qu'on connaît. Donc on fait ça en comptant les cratères d'impact. En gros, là où vous avez beaucoup de cratères et gros, ben c'est vieux. Quand vous avez un peu moins de cratères et qu'ils sont de plus en plus petits, c'est un peu moins vieux. Et quand vous avez quasiment pas de cratères, c'est récent. Bon, voilà. Alors ça, je vous l'ai fait avec les mains. Ouais. Les scientifiques ont une échelle beaucoup plus précise que ça. Mais le jour où on aura des échantillons pris sur place, on pourra avoir une datation absolue et corrélée avec les terrains, exactement comme on l'a fait sur la Lune, puisqu'on s'est posé en 6 endroits ou 9 endroits de la Lune avec les sondes automatiques où on a ramassé les échantillons. Et cette méthode-là, qui est appliquée sur la Lune, a pu être corroborée par ces échantillons pris sur place. Et alors ça, c'est les arguments en faveur du qui dit tsunami dit océan, et donc a priori tout ça s'imbrique plutôt bien. Voilà. Mais côté planétologue, on n'est pas d'accord. Côté climatologue, on n'est pas d'accord parce qu'on voit tous les signes que l'atmosphère de Mars est raréfiée beaucoup plus vite que ça. Alors après les débats tournent autour de modèles. Alors on peut avoir l'impression que un modèle c'est moins fort que une observation observationnelle. Mais les observations elles sont quand même encore comme je disais tout à l'heure à distance, donc elles sont pas d'une fiabilité totale. Et les modèles sont parfois très très très solides. Il y a pas que les modèles, il y a aussi alors des conclusions indirectes. Par exemple, le fameux John Carter, oui, qui existe vraiment, dit notamment que quand un océan s'assèche, oui, oui, ça laisse des traces de sel. Et ces traces de sel, on les a pas. Et qui plus est, on en trouve de ces traces de sel ailleurs sur Mars, à des endroits où on sait qu'il y a eu sans doute des lacs plus anciens, et là on les retrouve. Alors on peut imaginer un phénomène qu'on connaîtrait pas, un vaste épisode volcanique qui aurait recouvert tout ça de lave, par exemple. C'est tout à fait possible, quelque chose comme les trappes de Sibérie ou du Deccan à l'échelle de Mars. Non, le débat continue et d'ailleurs il est alimenté encore dans l'actualité. Il y a quelques jours, je crois que j'ai vu passer une publication à partir d'images de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Où il semblerait que des conclusions sont tirées, comme quoi il y aurait pu y avoir de l'eau sur Mars il y a 2,5 milliards d'années. Et donc, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Et la conclusion de tous ces chercheurs, c'est que, vraiment, ce que Perseverance est en train de faire actuellement sur Mars, c'est-à-dire mettre de côté des cailloux, les mettre dans des petites boîtes de conserve, les poser là, et espérer que... Enfin, c'est plus qu'espérer. Il faut qu'il y ait cette mission de retour d'échantillon. Ouais. Un autre rover qui vienne les saisir, les mettre dans une fusée, les renvoyer sur Terre. Qui n'est pas gagné à cause du retrait de la Russie, parce que ça devait être envoyé par Soyuz. Bon, bref. Voilà. En tout cas, y a-t-il eu un océan dans l'hémisphère nord de Mars ou pas? Eh bien, pour vous faire votre propre opinion et lire ce débat contradictoire, il suffit d'acheter le numéro de Ciel Espace du mois de juin. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et on reste dans l'espace, mais à une autre échelle, toujours plus loin, toujours plus grand, mais jusqu'où? Vous vous interrogez, Mathilde, dans Epsilon, sur les limites dans le temps, mais aussi dans l'espace, de ces superstructures cosmologiques. Oui, c'est dans le cadre d'un dossier, donc notre hors-série est consacrée à l'infini. On déploie ce mot autant qu'on peut, c'est facile avec l'infini. Et notamment dans le cadre d'un dossier qui part avec les chercheurs dans ces grandes quêtes infinies, mais vraiment qui paraissent absurdes, mais qui permettent aussi à la science d'avancer. Et en astronomie, évidemment, c'est le lieu le plus merveilleux pour aller voir l'infini. D'ailleurs, c'est l'un des endroits où on pense que l'infini puisse exister, puisque notre univers est censé l'être, même s'il y a débat. Et je me suis mise à courir après cette mégastructure, ces mégastructures qui sont découvertes par les chercheurs depuis quelques années, depuis déjà un peu longtemps, et qui sont toujours un peu controversées. C'est une science qui est un peu à part, et quand je leur ai parlé, c'est ce dont je me suis rendu compte. Je remets un peu dans l'ordre la découverte de toutes ces structures. On a d'abord découvert un mur de Sloan de 1,37 milliard d'années-lumière, une grande muraille avant ça de 500 millions d'années-lumière, un huge large quasar group. Donc les superlatifs, c'est la règle dans ces appellations, de 4 milliards d'années-lumière de long. Et puis la grande muraille d'Hercule de 10 milliards d'années-lumière de long. Et donc ces structures-là, on les voit à peine On ne les voit pas en tant que tels, on regarde l'univers à grande échelle, on distingue assez bien évidemment les galaxies. Déjà pour les amas galactiques, c'est beaucoup plus difficile. Notre super amas, quand on saute encore une échelle, le nôtre n'a été découvert qu'en 2014. Il a fallu attendre des mesures de précision qui ont été menées par Hélène Courtois à l'Université de Lyon et son équipe. Qui ensuite a découvert le super ensemble Aniakea, dont on a beaucoup parlé. C'est notre super amas. Qui pour le coup n'est pas contesté. L'Aniakea, il y a une sorte de consensus ou il y a aussi des points d'interrogation? Non, il y a une sorte de consensus pour l'Aniakea. Puisqu'en fait, là, il s'agit de mesures de notre environnement immédiat, de notre environnement à nous, donc notre super amas, et qui ont été faites par des mesures de précision et des vitesses, notamment. Donc, ce qu'elle fait, c'est elle parle de courant, en fait. Elle essaye de voir la dynamique et, comme ça, de tracer des lignes de partage des eaux entre les masses, entre les mouvements des différents astres. Mais quand on change encore d'échelle et qu'on essaye de voir des structures plus grandes, là, on est obligé de faire appel à des sortes de moyens un peu détournés. Donc, en l'occurrence, soit de regarder des quasars, et d'essayer donc, ces lumières très très brillantes, et d'essayer de trouver des espèces de paquets de quasars, en tout cas anormaux. L'autre chose qui brille très fort, ce sont les sursauts gamma. Et c'est bien en comptant ces phénomènes très lumineux que les chercheurs essayent de voir comme ça s'il y a des sortes d'anomalies, en fait, qui montreraient une concentration de masse. Et quand on parle de ces grandes structures, il ne faut pas imaginer quelque chose qui fonctionne gravitationnellement ensemble. Ouais. Ce sont des structures qui... disons qu'ils montrent une concentration de matière légèrement anormale et qui, comme ça, s'accumule après au fil des années de l'observation. La dernière, la grande muraille d'Hercule, qui fait 10 milliards d'années-lumière de long, elle est très discutée. Oui, c'est ça, 10 milliards d'années-lumière, à l'échelle de l'univers, quand on sait que l'univers en a 13,7, ça commence à paraître un peu les limites de l'exercice. Et d'ailleurs, ça pourrait mettre en danger le modèle standard de la cosmologie, puisque le modèle standard de la cosmologie est basé sur une hypothèse, qui est bien une hypothèse, qui n'est absolument pas un fait prouvé, mais qui est quand même au cœur du truc, et qui dit que l'univers doit être homogène. Et donc, après, ça ne veut pas dire que l'univers n'a pas le droit d'avoir quelques grumeaux. Mais par contre, statistiquement, il est censé être très, très, très peu probable qu'il y ait de gros grumeaux. Et donc l'idée après derrière de cette quête, c'est d'une part d'essayer de pouvoir s'assurer que ces grandes structures existent bel et bien par de nouvelles mesures, mais surtout d'essayer de pouvoir raccrocher la science qu'on fait à l'échelle de notre super amas, donc l'Aniakea. Donc notre environnement, des mesures de précision, on voit comment les choses bougent, etc. Et on peut en tirer des cartes dynamiques et vraiment voir les structures. Et puis l'univers entier, et raccrocher ces deux échelles, c'est le travail que les chercheurs vont faire dans les années qui viennent pour essayer de voir, donc, d'une part, si ce principe d'homogénéité de l'univers est bien vérifié ou pas, si ça met par terre le modèle standard de la cosmologie, mais plus sérieusement encore, d'essayer comme ça, par là, de comprendre cette expansion accélérée de l'univers qu'on ignore. Enfin, ce sont ces mesures de précision à grande échelle, cette échelle-là qui était jusque-là inaccessible, qui est en train d'être explorée pour répondre à toutes ces grandes questions. La fameuse énergie noire. La fameuse. Un avis, Philippe, sur ce débat? Est-ce que ça a du sens de vouloir chercher des superstructures dans les superstructures, dans les super-superstructures? Il faut, parce qu'on a quand même un gros problème en cosmologie, c'est de savoir quel est le contenu de l'univers. Du contenant. En gros, pour faire simple... La matière qu'on voit avec les télescopes, c'est 5% du contenu. Bon, alors après, il y a l'énergie sombre, il y a la matière noire. Tout ça, on ne le comprend pas du tout. On n'a pas un début de commencement d'explication. Malgré des recherches quand même poussées, il y a eu des pistes qui ont été... Pour l'instant, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, l'explication, on sait que ces choses sont là. Donc, continuer à expertiser la matière visible, c'est quand même tout ce qui nous reste pour l'instant. Et ça peut nous indiquer des choses sur... les conditions initiales de l'univers, sur son évolution et éventuellement sur ces fantômes que sont l'énergie sombre et la matière noire. Oui, ou l'inflation qui reste une théorie qui a aussi ses propres failles. Un mot rapidement, Mathilde, parce qu'il n'y a pas que ces infinis-là. Vous projetez aussi, je trouve ça toujours assez passionnant, dans l'univers, dans le futur très très très très très très très, très lointain de l'univers. Ça, c'est on se projette avec un chercheur complètement fou, qui s'appelle Matt Kaplan, qui travaille à l'université de l'Illinois et qui tout seul a décidé de se poser la question de ce qu'il adviendrait dans très très très longtemps. Mais alors, quand on dit très très longtemps, c'est 10 puissance 32 000. Année. Donc on rappelle que l'univers, notre univers à nous, il a 13,8 milliards d'années. Donc là, milliards, c'est 9 zéros. Là, c'est 32 000 zéros après. Donc voilà. C'est très, très, très, très, très loin. Donc lui-même le dit que personne s'intéresse à ses recherches. Mais lui, il a quand même fait son modèle parce qu'il voulait savoir ce que devenaient finalement les étoiles mortes une fois qu'elles ont explosé, qu'elles se sont contractées, qu'elles forment des étoiles comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles peuvent continuer de se contracter si on se place dans l'hypothèse d'un univers qui refroidit doucement? Et qui s'étend doucement, comme c'est l'une des hypothèses, on n'en sait rien. C'est l'une des hypothèses. Dans le cadre de cet univers, il a modélisé que les étoiles, en fait, allaient vivre une sorte de deuxième mort, une contraction d'une supernova noire, il a appelé ça, c'est un terme qu'on adore, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. On adore la supernova noire. Et il a modélisé comme ça le dernier soubresaut de l'univers dans très très longtemps. Eh bien voilà, c'est passionnant de parcourir les infinis avec Epsilon. Et puis, tant qu'à faire, on peut les parcourir ensemble, puisque, comme vous le savez peut-être ou non, j'aurai le plaisir de vous proposer une deuxième saison de l'émission Infiniment. Et donc, tout cet été, on va parcourir d'autres formes d'infini. On va aller vers l'infiniment aride, vers l'infiniment humide, l'infiniment vivant et l'infiniment mort. Qu'est-ce que c'est que l'infiniment mort ? Ben, il faudra être à l'écoute d'Infiniment. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour conclure, imaginez un peu un animal volant qui aurait la taille d'un avion de chasse. Alors là aussi, c'est toujours plus grand, toujours plus gros. Le ptérosaure, vous savez, connaissez certainement ce reptile volant qui est apparu il y a plus de 200 millions d'années. Eh bien, il révèle petit à petit ses secrets grâce, Olivier, là aussi, à des découvertes récentes tout à fait spectaculaires. C'est le sujet du papier de notre journaliste Joël Ignace, qui est à lire dans le numéro de Science et Avenir, La Recherche, qui est actuellement disponible chez tous les marchands de journaux. Et effectivement, dans ce papier, Joël fait la compilation de différentes découvertes assez récentes qui redessinent le profil du ptérosaure, parce que malgré cette silhouette que vous avez décrite, Nicolas, et qu'on a tous en tête, le ptérosaure reste un animal assez méconnu. Mmh. Qu'on confond allègrement avec les dinosaures. On parle de dinosaures volants, ça n'est pas un dinosaure. Il a vécu au même temps que les dinosaures, c'est-à-dire quand les dinosaures régnaient sur Terre, le ptérosaure, lui, était le maître des cieux. Mais finalement, d'où vient-il? Comment a-t-il terminé sa course? Il y a beaucoup d'inconnus à tout cela. Alors, ce qui montre un petit peu le fait que c'est un champ d'étude en effervescence, en quelque sorte, c'est que le papier s'ouvre sur une découverte assez récente d'un fossile très très bien conservé. Hein, il y a à peu près toute la structure du corps, le crâne est encore rattaché, au corps de l'animal, et il est très grand. Il est assez récent et ça colle pas justement avec les prévisions qu'on avait, parce que les spécialistes pensaient que les ptérosaures ne dépassaient pas les 2 mètres d'envergure en gros à la fin du Jurassique. Et c'est pas le cas. À la fin du Jurassique, puisque ils sont éteints avec tous les dinosaures. Mais c'est, encore une fois, les ptérosaures, c'est une autre famille, hein, c'est une autre branche. On imagine que c'est des dinosaures volants. Ça, c'est complètement battu en brèche depuis très longtemps. Et le spécimen qui a été découvert là en Écosse, sur une plage de l'île de Skye, est un animal qui fait presque 3 mètres d'envergure. Donc, et on pense en plus qu'il est juvénile. Oui, c'est ça. Il aurait pu atteindre des dimensions bien plus conséquentes. Alors, cette découverte, c'est comme un fil que tire Joël Ignace, notre journaliste, dans ce papier. Et il déroule différentes autres études scientifiques qui permettent de dresser ce profil du ptérosaure. Alors, on voit par exemple que c'est la première découverte, le premier trait caractéristique sur les 6 qui sont dans ce papier, que le ptérosaure, il pourrait avoir un ancêtre à dimension bien plus rikiki que les siennes propres, puisque c'est un petit reptile qui savait très très bien crapahuter apparemment sur le tronc des arbres. Et dont on a des fossiles aujourd'hui. Et si on a créé cette filiation entre ce petit reptile et le ptérosaure, c'est parce qu'il y a une structure assez comparable chez les deux espèces. De l'oreille interne notamment. Oui, qui est caractéristique de ces animaux qui ont une bonne stabilité et qu'on retrouve chez les oiseaux aujourd'hui. Cette caractéristique commune donc à ces petits animaux, à ces petits reptiles et aux ptérosaures, ferait le lien entre les deux. Mais ce que disent les scientifiques dans le papier, notamment Romain Vuillot, qui est paléontologue à l'université de Rennes, il dit qu'il nous faudrait trouver le chaînon manquant, en quelque sorte, quoi, hein, le fossile intermédiaire entre le ptérosaure avec ses 2 mètres d'envergure et le petit reptile grimpeur d'arbres dont on parle ici. Ouais, et puis ce qui permettrait de comprendre comment finalement ils se sont adaptés et comment le vol est apparu, et ce qui est encore pour le moment un point manquant. Il y a d'autres choses, parce que c'est vrai, quand on pense ptérosaure et notamment au fameux ptérodactyle, on voit ces espèces de d'animaux comme ça avec de cuir, avec des ailes. Bon, en fait, ils avaient des plumes. Oui, alors l'histoire des plumes des des dinosaures et des non-dinosaures, puisque encore une fois, c'est pas un dinosaure, mais enfin, affilié, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler ces dernières années. Et pour ce qui concerne les ptérosaures, il y avait un petit peu, les gens étaient d'accord sur le fait qu'ils devaient sans doute être couverts d'une sorte de manteau duveteux. Mais les dernières découvertes dresse une autre piste, hein, qui est celle carrément de plumes, puisque là, il s'agit d'un autre fossile qui a fait l'objet d'une publication en avril dernier dans la revue Nature. Et ce ptérosaure qui, lui, a été découvert au nord-est du Brésil, qui est vieux de 115 millions d'années, ben, sur ce fossile, les spécialistes ont identifié des restes de plumes colorées. Ces plumes, elles ont en plus des mélanosomes, voilà, qui ont dont les formes aujourd'hui chez les oiseaux, chez les volatiles, dont les formes, qu'elles soient ovales ou rondes ou plutôt elliptiques, enfin, les formes induisent les couleurs du plumage des oiseaux. Donc, on serait plutôt sur des animaux recouverts de plumes, et les plumes, comme elles ont été trouvées dans la région du crâne, à la base du crâne, d'après les paléontologues, elles n'étaient pas là, c'était pas des plumes pour voler, hein, c'est pas pour améliorer la portance du ptérosaure, mais c'est plus à visée de communication, hein, comme ça peut exister dans le règne animal, que les couleurs du plumage permettent de communiquer entre les différents individus de l'espèce. Et puis, allez, on va prendre une dernière pour dans le temps qui nous est imparti. Ces ptérosaures étaient des champions du saut en hauteur. Oui, ça c'est assez sympa, effectivement, puisqu'on pensait que les ptérosaures... Sympa ou un peu anxiogène. Oui, c'est comme on veut. Oui, alors on les imaginait prendre leur envol. C'est toujours la difficulté de leur taille immense, hein, puisqu'ils peuvent faire jusqu'à... Certains représentants pouvaient faire jusqu'à 11 mètres d'envergure, et leur poids, donc cette double contrainte fait qu'on se demande comment ils pouvaient prendre leur envol. Alors, il y avait un scénario à l'albatros. On imaginait qu'ils pouvaient prendre leur élan comme un albatros. En courant, courant, courant. Et puis, prendre leur élan. Et là, c'est plutôt le scénario à la Hulk. Hein, si on est familier aux comics, c'est à Hulk. Hulk, qui fait des grands bonds vertigineux. Et là, c'est ce que, apparemment, pourrait faire le Quetzalcoatlus, hein, puisque c'est le spécimen fossile sur lequel a travaillé les auteurs d'une publie de Journal of Vertebrate Paleontology. Et d'après ces modélisations biomécaniques sur les fossiles de ce ptérosaure-là, ils ont estimé que l'animal aurait pu faire des bonds jusqu'à 2,4 mètres de haut, alors sachant que lui avait des pattes qui faisaient 1,80 m, et avec des bonds comme cela, il était capable de sauter à une hauteur qui correspond à deux fois la hauteur de ses hanches. Donc ça permet de scénariser différemment le vol du ptérosaure. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le ptérosaure, c'est donc à lire dans Science et Avenir, en couverture de Science et Avenir, cher Olivier. Alors le prochain sort dans quelques jours, et il y a un gros point d'interrogation, puisque c'est la réponse à différents pourquoi, les réponses de la science. Mathilde, il y a deux numéros d'Epsilon, il y a le Epsilon classique, avec à la une. Qui sort mercredi prochain avec à la une les planètes trappistes qui vont être observées par JWST à partir de début juillet. Et notre hors-série Infini qui sort le 1er juillet. Numéro 3 consacré donc aux infinis. Et Ciel et Espace, à la une de Ciel et Espace, Philippe. Et les nouveaux trous noirs. Et nouveaux pourquoi ? Parce qu'on ne les voyait pas avant, on les voit maintenant grâce à l'astronomie gravitationnelle qui révèle tout un univers d'objets denses inconnus jusque-là. Et voilà tout ça dans votre meilleur marchand de journaux. Merci beaucoup à tout le monde, la méthode scientifique. C'est Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard, que je salue bien bas, à la réalisation, et Lucas Finet à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.